notre rendez-vous hebdomadaire pour du rock progressif, l'émission Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures-là, mais on va entendre Giorgio Piazza. Ça va occuper le premier bloc de l'émission qui est consacré à l'album de la semaine. On aura aussi Leprous de Norvège, un nouveau groupe italien du nom de Wish. On aura Spiral Orchestra de Suisse. Et étant donné que c'est la dernière émission avant le temps des fêtes, eh bien, je vous ai concocté le dernier bloc avec des chansons de Noël, mais enregistrées par des artistes de rock progressif. Il n'y en a pas une tonne, là, mais j'ai quand même six artistes intéressants. Qui ont fait quelques pièces originales et, dans la plupart des cas, ben des reprises. Alors, on aura IQ, c'est-à-dire Mary Leon, on a Steve Morse, Jeff Downs, John Wetton et Annie Haslam, la chanteuse du groupe Renaissance, ben, qui nous donne des pièces de Noël. Alors, ça va conclure la saison de Rock de Neurones sur une belle note. Alors, on débute avec Giorgio Piazza, qui est, dans le fond, le bassiste du groupe PFM. J'ai nommé Premiata Forneria Marconi. Et il a enregistré un album en spectacle cette année. Et le fait d'armes qu'il a réussi à accomplir, c'est qu'il a repris des chansons de PFM des deux premiers albums qui sont parus en 1972, et j'ai nommé Storia di un minuto et Per un amico. Alors, j'ai extrait quatre pièces de ce spectacle-là, et c'est Per un amico, Il Blanchetto, Appena un po' et Generale. Alors, on y va tout de suite avec Monsieur Piazza. Di più Thank you. si sa sempre piagnucola. Non gli va mai bene niente, chissà perché. Tu, subito. via di qua. Tururu, tururu, subito, via di qua. Alors, c'était Giorgio Piazza, le bassiste de la formation Premiata Forneria Marconi, qui reproduisait sur scène quelques extraits des deux premiers albums de PFM parus en 1972, Storia di un minuto et Per un amico. C'est bien évident que ce n'est pas une représentation extra fidèle des pièces d'origine, mais c'est quand même une sonorité. Je me suis proposé de vous faire écouter ça parce que c'est une sonorité avec des jeunes musiciens modernes et puis ça fait un petit peu différent. Alors après la pause, Leprous de Norvège, Wish d'Italie. Alors, voici rendu au deuxième bloc de l'émission et on va débuter avec la formation norvégienne Leprous qui vient de faire paraître son septième album studio. L'album s'intitule Pitfalls et l'extrait que je vous propose, bien, c'est une reprise d'une chanson qui a été popularisée par Massive Attack en 1998 sur l'album Mezzanine. Et là, je parle de la pièce Angel qui fut un énorme succès. Alors, Leprous le reprend avec sa sonorité bien à lui. Et ensuite, on aura trois extraits d'un nouvel album par un nouveau groupe italien. Le groupe, c'est Wish. Et l'album, c'est « Stay Here, My Friends ». Ce sont des nouveaux musiciens, ben, en fait, des jeunes musiciens, nouveaux sur la scène du rock progressif, devrais-je dire. Et on va entendre trois pièces tirées de l'album. C'est « Dancing with Myself »,« Scramble Eggs » et la pièce titre de l'album « Stay Here, My Friends ». Alors, on débute ça avec « Leprous ». trouble. She was by my side. Second time I got into trouble, he was by my side. I'm alone but I'm fighting back. Someone will be by my side. Walk away, get away, it's only me, there's nothing else outside. Run away, get away, I'm scared by shadows, I'm a fly in the jar. Let me heal, let me fall asleep. No one will be by my side. Just keep back all this crap. Love. wrapped around my neck. I am leaving a wavering, waning, trembling present. I'm sure I was born defective. Exactly how I go away. knows if we'll be here. You know I need you now. A reef will live, I swear. Stay here, my friends. I need you now. Knows if we should fly away to know the truth above this cloudy sky. Stay here, my friends. C'était un nouveau groupe italien de jeunes musiciens. Leur premier album qui s'intitule « Stay Here, My Friends ». Et moi, je vous ai fait jouer trois extraits. C'est un peu la mission de Rock de Neurone de donner la chance à de jeunes musiciens. Avec la plateforme qu'on a, on permet à des jeunes d'exécuter. Bon, c'est pas parfait, c'est pas quelque chose qui... Bien, c'est perfectible, mais il y a vraiment... un potentiel, et puis moi, je vais me faire un devoir de leur donner quelques petits conseils, mais encore une fois, c'est du prog, et les jeunes, il faut qu'ils commencent à quelque part. Alors, après la pause, un groupe suisse, Spiral Orchestra. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, pour le troisième bloc de l'émission, on va aller du côté de la Suisse avec un nouveau groupe du nom de Spiral Orchestra. Ils viennent de faire paraître leur premier album, c'est Atlas Arc. Et moi, je vous propose Void Seeker. Alors, c'est une pièce de 20 minutes, alors ça va meubler le troisième bloc au complet. Alors, il va tout de suite avec Spiral Orchestra. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe suisse Spiral Orchestra et la pièce Void Seeker. Ça, c'est extrait de leur seul album qui est paru, mais en fait, c'est leur premier album qui est paru cette année, Atlas Arc. Après la pause, des chansons de Noël interprétées par des artistes de rock progressif. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, le quatrième bloc de l'émission, ben, il est consacré à de la musique de Noël parce que, bien entendu, on arrive aux fêtes et c'est la dernière émission de 2019 de Rock de Neurones. Et pour l'occasion, ben, je me suis fait une petite compilation. J'ai fait une recherche à travers le temps pour trouver quelques musiques de Noël faites par des artistes de rock progressif. Alors, il y avait bien Jethro Tull avec son Christmas album que je connaissais. Il y avait aussi IQ avec Tales from a Dark Christmas. Puis Marillion aussi qui avait fait A Collection of Recycled Gifts. Mais tout récemment, il est paru un album produit par Billy Sherwood du groupe Yes, qui regroupe des musiciens et des artistes de rock progressif assez exceptionnels. Là, je vais vous en citer quelques-uns. Premièrement, il y a John Davison, le chanteur actuel de Yes. Il y a Steve Morse qui a joué pour Deep Purple, Kansas, et puis qui est actuellement pour Flying Colors. Il y a Annie Aslam du groupe Renaissance, Billy Sherwood et Patrick Moraz de Yes. On a Sonia Christina, la chanteuse de Curved Air, Dish Van Leer de Focus, Jeff Downs, ça c'est auparavant il était pour Asia et aussi pour Yes. Il y a même Nick Turner là, qui de Hawkwind là, qui s'offre Silent Night là. Et on a John Wetton, à titre posthume, là, qui joue la chanson de John Lennon, Happy Christmas, War is Over. Alors tout ça, 13 chansons interprétées par des artistes de rock progressif sur un seul album qui s'appelle Prog Rock Christmas. C'est sorti au mois de novembre 2019, donc c'est tout récent. Alors pour finir l'émission et la saison 2019, je vous propose un extrait de IQ, le groupe IQ, et la pièce c'est Christmas Intro, tirée de Tales from a Dark Christmas. On a Marillion avec The Carol of the Bells, tirée de A Collection of Recycled Gifts. Et à partir de la compilation A Prog Rock Christmas, je vous offre Steve Morse qui chante Carol of the Bells, Jeff Downs qui chante Linus and Lucy, John Whitten, comme je le mentionnais, qui nous propose Happy Christmas, et Annie Aslam qui nous chante The 12 Days of Christmas. Je rappelle aux auditeurs aussi qu'en retour en janvier, il y aura deux émissions consacrées à une rétrospective de l'année 2019. Alors, on y va tout de suite avec IQ. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is their song, with joyful ring or caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Christmas is here. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. On they send, on without end, their joyful tone to every home. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is their song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they crown, raising the sound, o'er hill and dale, telling the tale. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. On they send, on without end, their joyful tone to every home. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Christmas, bringing good cheer to the world, singing Merry Christmas, o'er hill and dale without end, singing Merry Christmas, filling the air with good cheer, singing Merry Christmas, hark how the sweet silver bells all sing Merry Christmas, bringing good cheer to the world, singing Merry Christmas, o'er hill and dale without end, singing Merry Christmas. Merry, merry, merry, merry, merry Christmas. this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Have a Christmas for weak and for strong, for rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and let's stop all the fights. Have a merry, merry Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas. What have we done? Another year over, and the new one just begun. And so happy Christmas. I hope. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me kiss the lane, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to And the day of Christmas my true love gave to me. 10 lords a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas my true love gave to me. And a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, and a partridge in a pear tree. Alors, c'était la très belle voix de Annie Aslam, la chanteuse de groupe Renaissance, qui nous interprétait « The 12 Days of Christmas ». Et ça a été précédé par la chanson « Happy Christmas ». « The War is Over », interprété par John Wetton, qui malheureusement est décédé en janvier 2017. Alors, c'était un membre de la formation UK, entre autres, et King Crimson, et Asia. Et auparavant, mais c'était Geoff Downes et la chanson « Linus and Lucy », tirée de... En fait, ça, ces trois chansons-là, et l'autre, là, Steve Morse, c'est tiré de la compilation « A Prog Rock Christmas ». Ça, c'est produit par M. Billy Sherwood, membre de Yes. Et en début de bloc, ben, on avait deux chansons. La première, ben, c'était IQ avec Christmas Intro, tiré de Tales from a Dark Christmas. Et ensuite, on avait Marillion et The Carol of the Bells, tiré de A Collection of Recycled Gifts. Ça, c'était paru en 2014. Alors ça met fin à la programmation musicale de cette dernière émission de l'année 2019. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi, c'est-à-dire, et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est les ondes de C'est fou, FM 89.1 à Trois-Rivières. Et en plus, l'émission est disponible sur Internet à partir de l'application SoundCloud. Et aussi, c'est disponible à partir de la page Facebook de Rock de Neurones. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez aimé l'émission avec ce petit spécial Noël et qui vous invite à vous joindre à nous en janvier pour une rétrospective de l'année 2019. Alors, bonne année, joyeux Noël et à l'an prochain.